Le devisement du monde de Marco Polo. Livre 3, chapitre 21. De l'île d'Angania. L'île d'Angania est grande. Les habitants y vivent en bêtes. Ils sont sauvages et très cruels. Ils adorent les idoles et vivent de chair, de riz et de lait. Ils mangent aussi de la chair humaine. Les hommes sont mal bâtis, car ils ont la tête faite comme celle d'un chien, de même que les dents et les yeux. Il y a dans cette île une étrange abondance de toutes sortes de parfums, de même que des arbres fruitiers de toutes les sortes. Chapitre 22. De la grande de ses lames. Depuis la susdite île du côté du sud-ouest, on compte 1000 milles jusqu'à l'île de Ceylan, qui est estimée pour une des meilleures îles du monde, ayant 2 040 000 de circuit. Elle a été autrefois plus grande, car l'on dit dans le pays qu'elle avait autrefois 3 600 000 de tours. Mais le vent septentrion soufflant avec impétuosité pendant plusieurs années, les vagues de la mer ont tellement empiété sur cette île qu'avec le temps, elles ont englouti jusqu'à des montagnes et beaucoup d'autres terres. Cette île a un roi très riche et qui ne paye tribut à personne. Les habitants sont idolâtres et vont presque tout nus. Ils n'ont point d'autre blé que le riz dont ils vivent et de lait. Ils ont en abondance de la graine de sésame dont ils font de l'huile. Ils tirent leur boisson des arbres suivant la manière expliquée ci-dessus. Cette île produit plusieurs pierres précieuses, entre autres des rubis, des saphirs, des topazes, des améthystes. Le roi de cette île a un rubis que l'on croit être le plus beau qui soit au monde, car il est long d'une paume et de la grosseur de 3 doigts. Il brille comme le feu le plus ardent et n'a aucun défaut. Le grand khan a voulu donner à ce roi une belle ville pour ce rubis, mais il refusa de le donner, sous prétexte qu'il le tenait de ses prédécesseurs. Les habitants de cette île ne sont point guerriers, mais lorsqu'ils sont obligés de faire la guerre, ils prennent des étrangers à leur solde, surtout des mahométans. Chapitre 23. Du royaume de Malabar, qui est dans la Grande Inde. Par-delà l'île de Ceylan, et à 60 000, on trouve la province de Malabar, qui est appelée aussi la Grande Inde. C'est une terre ferme et non pas une île. Il y a 5 rois dans cette province qui est très riche. Dans le premier de ces royaumes, nommé Lar, règne Sanderba. On y trouve des perles en grande quantité. Entre ce continent et une certaine île, il y a un bras de mer presque à sec et vaseux. En quelques endroits, il n'y a pas plus de 10 pas de profondeur, en quelques autres, il n'en a que 3 et même 2. C'est là que l'on ramasse les perles. Plusieurs marchands viennent là avec beaucoup de vaisseaux, grands et petits, et font descendre des hommes au fond de la mer et pêchent des coquilles dont on recueille des perles. Ces pêcheurs, quand ils ne peuvent plus rester sous l'eau, reviennent dessus en nageant. Après cela, ils replongent de nouveau, ce qu'ils font plusieurs jours de suite. Il y a aussi dans ce bras de mer de grands poissons qui tueraient facilement un homme si on ne se servait contre eux de l'artifice suivant. Les marchands amènent avec eux de certains magiciens que l'on appelle Abrajamin, Brahman ou près de Brahma. Ces magiciens conjurent ces poissons par leurs enchantements et leurs arts magiques, en sorte qu'ils ne peuvent plus faire de mal à personne. Or, pendant la nuit, qui est le temps où les négociants font la pêche des perles, ces magiciens interrompent l'effet de leur conjuration, de crainte que les voleurs, sentant qu'il n'y aurait pas de danger, ne se jettent dans la mer et n'enlèvent les coquilles avec les perles. Or, il n'y a personne que ces enchanteurs qui sachent les paroles de cette conjuration. Cette pêche de perles ne se fait pas pendant toute l'année, mais seulement pendant les mois d'avril et de mai. Mais on pêche une très grande quantité de perles dans ce peu de temps. Les marchands donnent au roi le 10e, aux magiciens le 20e et récompensent libéralement les pêcheurs. Au reste, depuis la mi-mai, on ne trouve plus de perles en cet endroit, mais on en trouve dans un autre qui est éloigné de 300 milles de celui-là. Et on les pêche là pendant les mois de septembre et d'octobre. Les habitants de cette province vont tout nus. Le roi va nu de comme les autres, portant au col un collier d'or orné de saphirs, de rubis et d'autres pierres précieuses. Il a aussi pendu au col un cordon de soie où il y a 104 pierres précieuses, à savoir des perles de moyenne grosseur, qui est comme une espèce de chapelet, sur lequel il récite pendant la journée autant de raisons qu'il marmotte à ses yeux. Il porte aussi à chaque bras et à chaque jambe 3 cercles d'or où il y a des pierres précieuses enchâssées. Les doigts de ses pieds et de ses mains sont aussi ornés de petites pierres très précieuses, enchâssées aussi dans de l'or. Chapitre 24. Du royaume de l'art et des diverses erreurs de ses habitants. Tous les habitants du royaume de l'art sont idolâtres. Plusieurs adorent un bœuf comme une divinité, c'est pourquoi ils n'en tuent aucun. Et quand il en meurt quelqu'un, ils oignent leur maison de sa graisse. Il y en a cependant parmi eux qui, quoiqu'ils ne tuent point de bœuf, en mangent cependant bien la chair quand ils ont été tués par d'autres. On dit que l'apôtre saint Thomas a été mis à mort dans cette province et que l'on y a conservé son corps jusqu'à présent dans une église. Il y a dans ce pays-là beaucoup de magiciens qui s'adonnent aux augures et aux divinations. Il y a aussi beaucoup de monastères où l'on sert les idoles. Certains habitants leur consacrent leurs filles, quoiqu'ils les gardent dans leur maison, excepté les jours que les prêtres des idoles veulent faire leur solennité. Car alors, ils font venir ces filles, et ils chantent avec elles à l'honneur de leur faux dieu, d'un ton aussi déplaisant que forcé. Ces filles portent aussi à manger avec elles et présentent ses mets à l'idole. Et pendant qu'ils chantent et trépignent, ils s'imaginent que leur dieu mange de ce qui leur a été présenté. Et surtout, ils répandent en leur présence le jus des viandes, à quoi ils croient que les dieux prennent un singulier plaisir. Ces cérémonies étant achevées, les filles s'en retournent chez elles. Elles continuent de servir ainsi les idoles jusqu'à ce qu'elles soient mariées. On observe encore en ce pays-là une coutume que quand le roi est mort et que l'on mène pour être brûlé, plusieurs soldats se jettent dans le feu, dans l'espérance que dans l'autre vie ils ne seront point séparés de lui. Les femmes font la même chose lorsque leurs maris doivent être brûlés, dans l'espérance qu'elles seront leurs épouses en l'autre monde. Et ceux qui n'observent point cela ne sont aucunement estimés parmi les gens du pays. Il y a encore une autre coutume étrange en ce pays-là. Si quelqu'un est condamné pour crime, il regarde comme une faveur de s'égorger lui-même à l'honneur de quelque dieu. Car si le roi lui accorde cette grâce-là, alors tous ses parents et ses amis s'assemblent et 10 ou 12 lui mettent le couteau sur la gorge. Il l'assoit sur une chaise et le mène par toute la ville en criant « Cet homme se doit tuer à l'honneur de tel ou tel dieu !» Après quoi, il se perce lui-même en criant « Je me tue à l'honneur d'un tel dieu !» Cela dit, il écarte sa plaie et l'achève lui-même avec un autre fer. Et il se fait tant de plaies qu'enfin, il en meurt. Les parents brûlent son corps avec beaucoup de joie. Chapitre 25. De plusieurs différentes coutumes du royaume de l'art. C'est une coutume en ce pays-là que le roi, aussi bien que ses sujets, s'assoit à terre. Et lorsqu'on les reprend de cette coutume, ils ont coutume de répondre « Nous sommes nés de la terre et nous devons retourner en terre. C'est pourquoi nous voulons honorer la terre. » Ils ne sont point accoutumés à la guerre, et quand ils y vont, ils ne se revêtent point d'habillement propre à se garantir des coups, mais ils portent des boucliers et des lances. Ils ne tuent aucun animal. Mais quand ils veulent manger de la viande, ils font en sorte que des gens d'une autre nation tuent les animaux. Quand les hommes que les femmes se lavent le corps 2 fois par jour, et si quelqu'un voulait se dispenser de cette règle, il serait regardé comme un hérétique. Ils punissent rigoureusement les vols et les homicides. Ils n'ont pas l'usage du vin, et si quelqu'un avait été surpris à en boire, il serait regardé comme un infâme et comme incapable de témoigner en justice. On refuse aussi comme témoins ceux qui ont osé s'exposer aux dangers de la mer, car on les regarde comme des désespérés. Chapitre 26. De quelques autres circonstances de ce pays-là. Il ne vient point de chevaux dans le pays. Mais le roi de l'art et les quatre autres rois dépensent une grande somme d'argent tous les ans pour en acheter. Car il n'y a point d'année qu'ils n'en achètent plus de 10 000 que les négociants amènent d'autres pays et dont ils tirent un grand profit. On achète plusieurs fois des chevaux dans une année parce que les chevaux ne sauraient vivre longtemps dans ce pays-là et que ceux qui en ont soin ne savent par quel moyen guérir leur maladie. Quand quelques cavales mettent bas leurs poulains, ils ont toujours quelques défauts qui les rendent inutiles, car ils viennent avec les pieds tordus ou quelques autres incommodités. Il ne croit aucun blé dans cette province. Mais il y a beaucoup de riz, dont il est impossible de nourrir les chevaux, à moins qu'on ne leur donne ce riz cuit avec de la viande. En ce pays-là, il ne pleut guère que dans les mois de juin, juillet et août. S'il ne pleuvait pas dans ces mois-là, personne ne pourrait vivre à cause de l'extrême chaleur. Le pays est fertile en toutes sortes d'oiseaux que l'on ne connaît point dans notre pays. Chapitre 27. De la ville où est enterré le corps de saint Thomas. Dans la province de Malabar, qui est la Grande Inde, on conserve le corps de saint Thomas apôtre, qui a souffert le martyre en cette province pour l'amour de Jésus-Christ. Son corps repose dans une petite ville où il y a beaucoup de chrétiens et de mahométans qui lui rendent l'honneur qui lui est dû. Il vient peu de marchands en cette ville-là parce qu'il y a peu de négoces. Les habitants du pays disent que cet apôtre a été un grand prophète et ils l'appellent Avoriam, qui veut dire saint homme. Les chrétiens qui viennent de loin pour honorer son corps emportent avec eux quand ils s'en vont de la terre où l'on dit qu'il a été mis à mort et en mêlent à la boisson des malades pour leur guérison, croyant que c'est un remède souverain. Ils disent qu'en l'an 1277, il fut fait le miracle suivant à son tombeau. Le prince, ayant une grande moisson de riz à faire et n'ayant pas assez de place pour le serrer, s'empara de l'église et des maisons qui dépendaient de cette église, dédiée à saint Thomas, et serra son riz malgré ceux qui gardaient ces lieux. Or, il arriva quelque temps après que le saint lui apparut la nuit, tenant une verge de fer à la main, et la lui présentant au gosier, le menaçait de le tuer en disant « Si vous ne sortez au plus tôt de mes maisons, que vous avez témérairement occupé, vous mourrez d'une mort honteuse. » Lorsqu'il s'éveilla, il laissa, suivant le commandement de l'apôtre, son église. De quoi les chrétiens furent fort consolés et remercièrent Dieu et son saint. Chapitre 28. De l'idolâtrie des païens de ce royaume-là. Tous les habitants du royaume de Malabar, tant hommes que femmes, sont noirs. Mais ils emploient quelques moyens pour cela, s'imaginant que plus on est noir et plus on est beau. Car ils frottent les enfants 3 fois la semaine d'huile de sésame, ce qui les rend très noirs. Celui qui parmi eux est le plus noir est le plus estimé. Les idolâtres rendent aussi noirs les images de leurs dieux, disant que les dieux sont noirs et tous les saints. Mais ils peignent le démon blanc, assurant que les démons sont de cette couleur. Et lorsque ceux qui adorent le bœuf vont à la guerre, ils portent avec eux du poil d'un bœuf sauvage et le lient aux crins de leurs chevaux. Les gens de pied l'attachent à leurs cheveux ou à leurs boucliers, croyant que cela les garantira de tout danger, car ils regardent un bœuf sauvage comme très saint. Chapitre 29. Du royaume de Murcélie, où l'on trouve les diamants. Par-delà le royaume de Malabar, à 1000 milles, on trouve celui de Murcélie, Masulipatane, qui ne paye tribut à personne. Les habitants vivent de chair, de riz et de lait, et sont mahométans. On trouve en quelques montagnes de ce royaume-là des diamants, car lorsqu'il pleut, Les hommes vont aux endroits où les ruisseaux coulent des montagnes et ils trouvent beaucoup de diamants dans le gravier. En été, ils montent aussi sur les montagnes, quoique avec beaucoup de peine à cause de l'extrême chaleur qu'il fait, et s'exposent à un danger évident à cause des grands serpents qui sont là en grand nombre. Ils cherchent dans les vallées des montagnes et dans les autres lieux caverneux des diamants, et quelquefois, ils en trouvent en abondance. Et voici comment. Il y a dans ces montagnes des aigles blancs qui mangent les serpents dont nous avons parlé. Les hommes, allant par les montagnes, et souvent à cause des chemins difficiles et des précipices, ne pouvant pas descendre dans les vallées, ils jettent des morceaux de viande fraîche. Les aigles, apercevant ces morceaux, viennent pour les prendre et de cette manière ils emportent les diamants qui se sont attachés à la viande. Les hommes, ayant vu où l'aigle est allé, courent à cet endroit et trouvent les petites pierres qui sont autour du nid. Mais si les aigles mangent la viande sur le champ, les chasseurs prennent garde où ils se retirent la nuit pour dormir et ils vont chercher les diamants au milieu et parmi leurs fientes. Les rois et les gens de qualité achètent les plus beaux diamants et ils permettent aux marchands d'emporter les autres. Cette province abonde en tout ce qui est nécessaire à la vie, et surtout, il y a un grand nombre de béliers de très forte taille. Chapitre 30 du royaume de Lae. Après avoir quitté la province de Mahabar et allant vers l'Occident, on trouve la province de Lae, qui est habitée par les Abrajamines, sectateurs de Brahma, qui ont en horreur tout mensonge. Ils n'ont chacun qu'une femme, ils ont en abomination le rapt et le vol, ils ne se servent pour la vie ni de chair ni de vin, et ne tuent aucun animal. Ils sont idolâtres et s'attachent aux augures. Quand ils veulent acheter quelque chose, ils considèrent premièrement leur ombre, et suivant le jugement qu'ils forment, ils payent la marchandise. Ils mangent peu, et font de grandes abstinences. Ils usent dans leurs besoins d'une certaine herbe qui aide beaucoup à la digestion. Ils ne se font jamais saigner. Il y a parmi eux quelques idolâtres qui vivent très austèrement à l'honneur de leurs idoles. Ils vont tout nus et disent qu'ils n'ont pas de honte de ce qui est sans péché. Ils adorent les bœufs et se frottent avec beaucoup de révérence le corps d'une huile qu'ils font de leurs os. Ils ne se servent point de couteau en mangeant, mais ils mettent leur manger sur des feuilles sèches qu'ils prennent aux arbres qui portent les pommes dites de paradis, bananiers, ou de quelques autres arbres. Ils ne mangent ni fruits ni herbes vertes, car ils disent que toutes ces choses, si elles sont vertes, ont vie et âme. C'est pourquoi ils ne veulent point les tuer, de peur de faire un grand péché en privant de la vie aucune créature. Ils dorment sur la terre nue, et ils brûlent les corps morts. Chapitre 31 du royaume de Kualam. En allant du royaume de Mahabar à l'autre partie de la côte, on trouve à 500 milles le royaume de Kualam, où il y a beaucoup de chrétiens, de juifs et de païens. Le roi de ce pays-là ne paye tribut à personne, et les peuples ont un langage particulier. Il y croit beaucoup de poivre, car les forêts et autres lieux sont pleins de petits arbres qui le portent. On le recueille dans les mois de mai, juin et juillet. Il y a en ce pays-là de si grandes chaleurs qu'il est impossible de vivre. Les rivières même y sont si chaudes qu'on peut y cuire un œuf. On fait beaucoup de sortes d'ouvrages en ce pays-là à cause du grand gain que les négociants qui viennent les acheter y apportent. On trouve aussi là beaucoup d'animaux qui ne sont point dans les autres pays, car on y trouve des lions gris, des paparots, perroquets, qui ont les pieds blancs et le bec rouge, des poules toutes différentes des nôtres. Ils croient que cette diversité vient de la grande chaleur du climat. Ils n'y croient point de froment, mais du riz. Ils font une boisson avec du sucre au lieu de vin. Il y a plusieurs astrologues et médecins. Ils vont presque tout nus, tant hommes que femmes. Ils deviennent noirs et difformes par la trop grande ardeur du soleil, mais ils croient au contraire en être plus beaux. Ils prennent des femmes parmi leurs parents au troisième degré, et ils épousent aussi leur belle-mère quand le père est mort, et leur belle-sœur quand le frère est mort, ce qui se pratique d'ailleurs dans toute l'Inde. Chapitre 32. De la province de Comar. Le pays de Comar est la partie de l'Inde où le pôle arctique peut encore être vu, mais on ne peut le voir depuis l'île de Java jusqu'à ce pays-là, parce que tous les pays qui sont entre deux sont au-delà de la ligne équinoxiale. Ce pays est fort sauvage. Il y a beaucoup d'animaux qui sont inconnus dans les autres pays, surtout des singes, qui ressemblent parfaitement aux hommes. Il y a aussi des lions et des léopards en grand nombre. Chapitre 33. Du royaume d'Élie. En sortant de la province de Comar et allant vers l'Occident, on trouve à 300 000 le royaume d'Élie, qui a son roi particulier et une langue particulière. Les habitants sont idolâtres. Le roi est très riche et possède de grands trésors. Mais il n'a pas un grand peuple, croit que le pays soit fortifié par nature. Il y croit une grande quantité de poivre, de gingembre et d'autres aromates. Si quelque navire chargé est obligé de relâcher dans cette province, par tempête ou par nécessité, les habitants s'emparent de tout ce qu'il y a dans le vaisseau et disent au commandant « Vous aviez résolu d'aller ailleurs avec vos marchandises, mais notre Dieu et la fortune vous ont adressés ici. C'est pourquoi nous profitons de ce qu'il nous envoie. » Chapitre 34. Du royaume de Milibar. Après le royaume d'Élie, on vient au royaume de Milibar, le Malabar actuel, qui est dans la Grande Inde vers l'Occident, qui a son roi particulier, qui ne paye tribut à personne et a une langue particulière. Les habitants sont idolâtres. Il y a en ce royaume beaucoup de pirates, qui, tous les ans, écument la mer avec 100 navires et prennent tous les vaisseaux marchands qu'ils trouvent. Ils mènent avec eux leurs femmes et leurs enfants et passent tout l'été sur mer, fermant le passage à tous les marchands, en sorte que très difficilement ils peuvent s'échapper de leur lac. Car, avec 20 navires, ils tiennent les passages de 100 000, mettant un de leurs vaisseaux de 5 000 en 5 000. Lorsqu'ils aperçoivent un vaisseau chargé de marchandises, ils donnent un signal avec de la fumée pour avertir le plus proche de leur navire, et ainsi, de l'un à l'autre, ils savent, dans un moment, qu'il y a un navire à prendre, et alors, on détache autant de vaisseaux qu'il est nécessaire pour prendre celui qui arrive. Ils ne font point d'autre mal aux hommes de ce navire que de les mettre à terre, les priant d'aller chercher d'autres marchandises et de revenir par le même chemin. Il y a en ce pays-là une grande abondance de poivre, de gingembre et de noix d'Inde. Coco. Chapitre 35. Du royaume de Gozurat. Il y a auprès du royaume de Milibar un autre royaume nommé Gozurat qui a un roi particulier et une langue particulière. Ce royaume est dans la petite Inde, vers l'Occident. On y voit le pôle arctique sur l'horizon à 6 brasses de hauteur, ce qui fait 7 ou 8 degrés célestes. Il y a aussi en ce royaume des pirates qui, quand ils ont pris quelques marchands, les obligent de boire du tamarin avec de l'eau de la mer qui leur donne d'abord le flux de ventre. Ils font ainsi parce que quand les marchands aperçoivent de loin les pirates, ils ont coutume d'avaler les perles et les pierres précieuses qu'ils portent, de peur qu'ils ne les prennent. Mais ceux-ci, qui n'ignorent point leur finesse, les obligent de rendre les pierres qu'ils ont avalées. Il y a en ce pays-là grande abondance de poivre sauvage et de gingembre. Il y a aussi certains arbres dont on recueille une grande quantité de soie. Cet arbre croît de la hauteur de 6 pas et rapporte du fruit pendant 20 années. Après quoi, il ne vaut plus rien. On prépare aussi en ce royaume du cuir très beau et aussi bon qu'on en puisse trouver ailleurs. Chapitre 36. Des royaumes de Tana, de Kambet et de quelques autres. Du royaume dont nous avons parlé ci-dessus, on va par mer au royaume de Tana, de Kambet, Kambé, de Samenat, qui sont situés à l'Occident, où l'on fait plusieurs sortes d'ouvrages. Chacun de ces royaumes a son roi et sa langue particulière. Je ne peux pas en dire beaucoup de choses, parce qu'ils sont dans la Grande Inde, dont je n'ai pas dessein de parler, si ce n'est de quelques endroits situés sur le bord de la mer. Chapitre 37. Des deux îles où les hommes et les femmes vivent séparément. À 500 milles par-delà du royaume de Séménat, du côté du Midi, il y a deux îles éloignées l'une de l'autre de 30 milles. Dans l'une, les hommes demeurent. Elle est pour cela appelée île mâle, tandis que l'autre où habitent les femmes est appelée île femelle. Ils sont chrétiens, tant les hommes que les femmes, et se marient ensemble. Les femmes ne viennent jamais à l'île des hommes, mais les hommes viennent à celle des femmes, et ils demeurent pendant 3 mois de suite avec elles, à savoir chacun avec sa femme et dans sa maison. Après quoi, ils s'en retournent dans leur île, où ils demeurent tout le reste de l'année. Les femmes gardent les fils qu'elles ont de leur mari jusqu'à l'âge de 14 ans. Après quoi, elles les renvoient à leur père. Ces femmes ne font pas autre chose que d'avoir soin de leurs fils et de recueillir les fruits de la terre. Mais les hommes travaillent pour nourrir leurs femmes et leurs enfants. Ils sont adonnés à la pêche et prennent des poissons en quantité qu'ils vendent, étant desséchés, aux marchands et dont ils tirent un grand profit. Ils vivent de chair, de poissons, de riz et de lait. Cette mer abonde en baleines et en grands poissons. Les hommes n'ont point de roi, mais ils ont un évêque qu'ils regardent comme leur seigneur et qui est suffragant de l'évêque de Squara, dont nous allons parler. Chapitre 38. De l'île de Squara. En avançant vers le Midi, à la distance de 500 milles, on trouve une autre île nommée Squara, dont les habitants sont chrétiens et ont un archevêque. On fait en cette île beaucoup de sortes d'ouvrages, car elle abonde en soie et en poissons. Ils n'ont point d'autres graines que le riz. Ils vont tout nus et vivent de chair, de lait et de poissons. Les pirates apportent dans cette île beaucoup de biens qu'ils volent et qu'ils y viennent vendre. Les habitants, sachant que toutes ces choses ont été enlevées aux Turcs et aux idolâtres, les achètent volontiers. Il y a dans cette île, parmi les chrétiens, beaucoup d'enchanteurs qui peuvent par leur art conduire les vaisseaux en mer comme ils veulent, quand même ils auraient un vent favorable. Car alors, ils peuvent leur donner un vent contraire et amener les vaisseaux dans l'île malgré eux. Chapitre 39. De la grande île de Madagascar. Après avoir quitté l'île de Squara et naviguant du côté du Midi pendant 1000 milles, on vient à Madagascar, qui est mise au nombre des plus riches îles du monde. On dit qu'elle contient 4000 milles de tour. Les habitants sont mahométans. Ils n'ont point de roi, mais ils sont gouvernés par 4 des plus anciens. Cette île produit beaucoup plus d'éléphants qu'aucun pays du monde. Il y a une île nommée Zanzibar qui fait un grand trafic d'ivoire, car en tout le monde, je ne pense pas qu'il y ait une si grande quantité d'éléphants que dans ces deux îles. On ne mange point dans cette île d'autre viande que celle de chameau, laquelle chair est fort saine aux habitants. Il y a une multitude presque infinie de ces animaux dans cette île. Il y a, outre cela, dans cette île, des forêts de sandales et de bons rouges, dont on fait plusieurs ouvrages. On prend aussi dans la mer de grandes baleines, d'où l'on tire de l'ambre. Il y a des lions, des léopards, des cerfs, des daims, des chevreuils, et plusieurs autres sortes d'animaux et d'oiseaux propres à la chasse. Enfin, on y trouve diverses espèces d'oiseaux dont on n'a jamais entendu parler chez nous. Plusieurs marchands viennent en cette île à la faveur du flux de la mer, car on peut venir en 20 jours de la province de Mahabar à cette île de Madagascar avec le flux de la mer. Mais on a de la peine à en sortir. Il faut quelquefois 3 mois pour surmonter les difficultés de ce flux, parce que la mer porte toujours vers le Midi avec beaucoup d'impétuosité. Chapitre 40. D'un très grand oiseau nommé Rook. Il y a encore d'autres îles par-delà Madagascar, mais l'accès en est très difficile à cause de l'impétuosité de la mer. Il paraît dans ces îles, à un certain temps de l'année, une espèce d'oiseau fort surprenant nommé Rook, ayant la figure d'un aigle, mais d'une grandeur extraordinaire. Ceux qui ont vu de ces oiseaux disent que la plupart de leurs plumes sont de 10 pas de long, qu'elles sont grosses à proportion et que tout leur corps répond à cela. cet oiseau est si fort qu'il prend sans aucun secours que de ses propres forces un gros éléphant et l'élève en haut, puis le laisse tomber pour en faire sa pâture. Moi, Marco, ayant entendu parler de cet oiseau, je pensais que c'était un griffon, qui est un animal à quatre pieds, quoiqu'il ait des plumes. Il est en tout semblable au lion, si ce n'est qu'il a la mine d'un aigle. Mais ceux qui avaient vu de ces rouques assuraient constamment qu'il n'avait rien de commun avec tous les autres animaux et qu'il n'avait que deux pieds comme les autres oiseaux. De mon temps, l'empereur Kubilai avait un certain courrier qui avait été détenu prisonnier dans ces îles et qui, ayant été relâché, raconta à son retour des choses surprenantes de ces pays-là et des diverses sortes d'animaux que l'on y trouve.